Donc, c'est difficile pour ces gens-là d'accepter la présence d'un discours dissident. Donc, parfait. Donc, on joue la carte du « on ferme ta gueule ». La carte du « OK, si tu fermes pas ta gueule, on va te la faire fermer ». Puis si tu te la fais pas fermer, ben nous autres, on va s'organiser pour que tu te la fasses fermer parce qu'on va écœurer tes commanditaires. Donc, on a 3-4 extraits à vous faire entendre. Et c'est Sébastien qui a sorti ça pour nous autres. Peut-être nous orienter, Laurent, un peu, là. Ben, c'est parce que... On a 3-4 extraits, 4-5 extraits, là. Peut-être nous aligner ça dans le sens du monde, là. C'est quoi les extraits les plus pertinents, les plus intéressants qu'on doit entendre, là? Comme tu l'expliquais au départ, là, ça a été entendu, ça, ce matin dans l'émission Médium Large avec l'animatrice Catherine Perrin. Mm-hmm. Puis là, le nom du gars, je crois que c'est Eric. Mais ça, je sur Facebook, c'est Eric Q, anti Radio X. Ouais, c'est ça. Bref, je sais pas s'il a diffusé son Eric vrai nom. Baudry. Eric Baudry. Eric Baudry. OK. Donc, Eric Baudry, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il reste où? Une chose est sûre, c'est qu'il a le droit de s'exprimer. Mais pourquoi partir à la chasse au commanditaire d'un média qui ne tient pas nécessairement des propos qui l'intéresse, des propos qu'il aime? Moi, quand j'aime pas quelque chose, je fais pas une campagne contre. J'aime pas telle marque de ketchup, j'aime pas tel programme à la télé. Je fais pas une campagne sur Facebook pour partir en guerre contre telle émission, contre tel produit. Je l'ignore. Je fais autre chose, je consomme autre chose. Mais il y a des gens qui sont pas capables d'endurer Radio X dans le décor, dans le paysage médiatique québécois. Ils sont intolérants. C'est ça, l'intolérance. Vous la voyez, l'intolérance. Et ça, ça en est un bon exemple. Ben, on va écouter le premier extrait, ça va sûrement répondre à ta question, parce que il a répondu pourquoi qu'il ciblait Radio X. All right, on écoute. Pourquoi avoir ciblé Radio X en particulier, Eric? Ben, c'est un ensemble de facteurs. C'est ceux-là qu'on entend le plus. Vous vous exposez à la critique en ayant réengagé Carl Monnette, qui a tenu des propos complètement scabreux sur les ondes de Radio X Saguenay en 2012. Il a dit qu'on devrait faire un grand mur et pelleter tous les itinérants qu'on pourrait trouver dans le Nord avec le plan Nord de Jean Charest. Mmh. C'est avec ça qu'il avait fait sa joke. Puis il dit qu'il veut les castrer avant. Donc moi, je me dis, si une compagnie réengage ce gars-là pour le faire parler sur les ondes à Montréal, ses commanditaires, ultimement, sont responsables de ça aussi. Bon, c'est du vieux matériel, là. On est au courant. Monnette a dit ça. Je pense qu'il le regrette. C'était une connerie, en fait. Pas mal de monde le pense, puis je pense que lui le pense. C'est une erreur. Ceci étant dit, c'est du vieux matériel, là. Ça a-tu été dit la semaine passée, ça? OK, ça peut être. OK, Carl a été engagé. Je pense qu'il fait du bon boulot. Je pense que son show est en progression. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Carl, c'est un travaillant. Peux-tu lever notre main dans la salle qui a jamais fait d'erreur? Peux-tu, juste en gang, là, je sais pas. Y a-tu... OK, à go, levez vos mains ceux qui ont jamais fait d'erreur. À go! OK. Y a-tu d'autres extraits? Oui, on va écouter. Il parle de censure aussi de Radio X. Fait que ça devrait être intéressant à propos de la censure. Il y a Couche-Tard aussi que vous ciblez. Toutes les photos que le monde publie sur le site de Couche-Tard, même des photos anti-Couche-Tard ou avec des propos pas très jolis à côté, il les laisse. Dans le fond, moi, je trouve que Couche-Tard est en train de donner une leçon de liberté d'expression à Radio X, carrément, parce que Radio X, eux autres, ils veulent tout censurer depuis le début pour une station de radio qui promouvoit la liberté. Qu'est-ce qu'ils essaient de censurer, Eric? Ben, tous les photos comme ça qui ont été faites, les propos. Évidemment, je suis rendu bloqué sur leur page sur leur page Facebook. Ah, d'accord. Mais tu sais, c'est ça, mais si quelqu'un va écrire des propos anti-Radio X ou parle de cette campagne-là contre les commanditaires, ils vont effacer le message. Il y a beaucoup de censure à ce moment-là. Sur leur page, oui. Beaucoup de censure. Ça, c'est bizarre. Première des choses, il y a un problème d'enregistrement, là. On entend quelqu'un en background, là. Ça m'agace un peu. Mais on a entendu de l'essentiel, là. Première des choses, Radio-Canada accorde une tribune à ce gars-là. Deuxième des choses, parle de censure. Allô? S'il y a quelqu'un qui écrit de la cochonnerie sur mon Facebook, à moi, sur mon Facebook d'animateur, c'est sûr qu'il va revoler, là. Il faut qu'il y ait une certaine gérance, là. Dominique, là, à un moment donné, on peut pas laisser aller n'importe quoi, n'importe quel commentaire si sur une page Facebook. Si tu m'aimes pas, viens pas m'écœurer. J'irai pas t'écœurer. J'écœure pas les gens que j'aime pas sur leur Facebook. Je les ignore. Vivre et laisser vivre. Les autres extraits sont-tu bien enregistrés ou on prend-tu une chance? C'est toi qui le sais. Si on entendait Denis Gravel en background, je sais pas, peut-être un problème de fil, là, je sais pas quoi, là. On écoute. Vous y croyez quand même, la liberté c'est mieux, d'expression? Ça. Oui, je crois à leur liberté d'expression, mais en même temps, j'ai aussi une liberté, celle de pas les financer. Je veux pas que mon argent servent. Arrête ça, là. Peux-tu me mettre un pause? T'es pas capable? Ouais, je peux lui, mais il fallait juste que. T'as arrangé ça. Seigneur, c'est bien compliqué. Ah non, c'est pas compliqué, mais il faut. Vous y croyez quand même, la liberté d'expression? Oui, je crois à la liberté d'expression, mais en même temps, j'ai aussi une liberté, celle de pas les financer. Je veux arrête pas ça. Mon argent. Moi, je veux-tu que mon argent finance la propagande gauchiste anti-Israël, pro-palestinienne, anti-américaine à Radio-Canada? Je peux-tu, moi, avoir mon mot à dire si on dépense des taxes pour financer un réseau qui fait de la propagande anti-Stephen Harper, anti-américaine, pro-palestinienne, anti-israélienne. Je peux-tu? On parle de fonds privés, là. C'est des commerces qui veulent financer Radio X, c'est bien les maudites affaires. De quoi qu'il se mêle, ce gars-là? On continue. Il est en mission. Servent ultimement à payer leur salaire puis financer ses propres. C'est des fonds privés. C'est quoi la logique? C'est que vous avez l'impression que si Saint-Hubert paye de la publicité à Radio X, quand vous allez manger chez Saint-Hubert, indirectement, vous donnez de l'argent à Radio X? Et voilà, exactement. Ce lundi, vous avez reçu Robert Dutton, le président de Rona. Il vous a parlé de sa peinture écologique. Oui. Rona est aussi un commanditaire de Radio X. Donc, j'aurais une question pour lui. Pourquoi d'un côté nous montrer un beau côté environnemental, mais d'un autre côté, tu finances une radio qui nous traite d'enverdeurs. Docteur Claude Morin, médecin urgentologue à l'hôpital Saint-François. Hein? C'est qui? Il a joué quelque chose. C'est Radio-Canada qui a diffusé ça? Non, ça c'est nous autres. OK. Donc, je comprends bien, pour ces gens-là, la liberté d'expression n'existe pas, là. Parce que la liberté d'expression existe seulement pour protéger la dissension ou l'opinion de l'autre. On se comprend? C'est pour protéger des gens qui ont la même opinion que toi, il y a un problème, là. Peut-être en jouer un quickie pour la route. On a-tu du temps, mon... Ouais, on va écouter un dernier là, sur l'emploi, là, parce que c'est ça, nous, on les a pas entendus là, avant ça. Puis moi, ce que je trouve drôle... Ça vient juste de sortir. C'est ça, puis c'est d'entendre l'animatrice qui arrête pas de nommer nos commanditaires aussi. Et gentil, hein, en tout cas. Vous avez un emploi? Moi, j'ai un emploi. D'accord. J'espère que... Oui, c'est ça, d'accord. J'allais faire une mauvaise blague avec les préjugés des gens des Radio X, là. Mais donc, vous avez un emploi et vous payez des impôts? Oui. Donc, vous avez le droit de vous exprimer d'après leur logique à eux. Ah, ben oui. Donc, nous autres, on peut-tu s'exprimer, nous autres? Donc, lui a le droit de s'exprimer, nous autres. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de vivre et laisser vivre au Québec? On va faire une dernière pause, je pense, hein? Faut y aller. Je pense qu'on est rendu là. Dernière pause, vous êtes d'abord en live.